Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Oui, je suis de retour, mon nom est Luc Desormeaux. Et cette semaine, pour m'accompagner, car il n'animera pas cette émission tout seul, c'est mon ami collègue Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien toi. Ben ça va très bien. Hey, t'as fait une bonne job la semaine passée, j'ai écouté ça puis. J'espère que t'as écouté ça. Ah ouais, tu me flattais dans le sens du poil puis tout, tabarnouche. Hey, ouais, parce qu'il faut préciser aux gens que tu m'as aussi dit que d'ici quelques mois, t'envisageais prendre ta retraite du podcast et que j'ai décidé que je commençais dès maintenant une campagne pour t'en empêcher. ouais, j'ai dit ça en privé à Marc. Je pensais peut-être laisser ma place probablement après le prochain salon de l'auto de Montréal là. C'est ça je suis en réflexion mais tu sais après avoir écouté l'émission que t'as faite seule je me dis tabarnouche c'est donc bien bon ça. Oh, mais c'est bien meilleur à deux, là. Ah, c'est, il dit ça pour plusieurs choses, mais je sais pas. En tout cas, on si tu sais pas ça encore, peut-être que t'as raison de vouloir lâcher le journalisme automobile et faire d'autres choses. On verra bien. Donc, Marc, on a une émission quand même assez chargée. On a des essais. Tu vas nous parler de la Honda Accord hybride que tu testes cette semaine. Moi, je vais parler de la Hyundai Ioniq hybride que je testais la semaine dernière. Donc, on parle vraiment de voiture hybride cette semaine. Toi, t'as été invité par GM, espèce de chanceux, au lancement du nouveau Chevrolet Equinox, le nouveau petit VUS qui est lancé là, incessamment chez les concessionnaires. Et puis, on a aussi en deuxième bloc une chronique nouvelle avec notre nouvel arrivant, Samuel Lessard, qui fait une bonne job, j'avoue. Oui, il est très bon. Oui. Vraiment. Et ce qui est intéressant de Samuel, c'est que vraiment, là, il est à point dans toutes les nouveautés. Il fait le tour. Il part, d'après moi, il dort pas. Il doit lire tout ce qui se fait sur l'automobile toute la nuit parce qu'il est vraiment, vraiment à jour dans tout ça. C'est vraiment spectaculaire. Ou il y a une petite connexion Internet sur le bord de la tête, puis il se branche le soir en se couchant. Puis ça feed juste les nouvelles, il filtre juste les nouvelles sur l'auto. Parce que oui, il est toujours pas mal à jour. C'est intéressant. C'est un bel ajout à cette belle émission. J'espère pour toi qu'il ne file pas de niaiserie, parce que si c'est le cas, il t'entend pas parler souvent. Non, il entend juste des bips et du grichage. Mais bon, mais je dis moins de niaiserie avec lui, je dis plus de niaiserie avec toi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les niaiseux s'attirent. J'ai aucune idée. Bon, avant que ça dérape vraiment, vraiment sur un moyen temps, on va y aller avec quelques nouvelles. Nouvelles qui a aucun, ben presque aucun rapport avec le monde de l'automobile, mais Tesla. Qui sort des technologies à gauche et à droite de toutes sortes d'affaires. Hein. Il y a son espèce de tube pour transporter des gens qu'il veut faire. L'Hyperloop. Il envoie des fusées sur la Lune. Il fait plein de choses. Mais là, il a décidé qu'il s'attaquait au résidentiel. Il y a déjà un système de batterie que les gens peuvent acheter pour accumuler de l'énergie puis tout ça, puis charger leur auto, puis même alimenter la maison en électricité. Le Powerwall, si je me rappelle bien. Mais là, exact. Il se lance dans un toit qui va être fait de panneaux solaires pour, encore là, fournir de l'énergie dans les maisons ou même pouvoir recharger les voitures. Mais il y a comme un petit hic, ça coûtera pas le prix qui était annoncé. Ben non, en fait, c'est un peu compliqué parce que, comme d'habitude avec Monsieur Tesla, Monsieur Elon Musk, ces projets sont de grands projets, extrêmement ambitieux, et on n'a toujours pas, plus de détails. Alors, tu sais, bon, t'as parlé du Powerwall, on parle de différents éléments, bien entendu. On sait tout ce qu'il a annoncé récemment, entre autres, qu'il voulait faire un camion électrique. On verra si le camion va voir le jour ou pas. Donc, on est là-dedans. Sauf que son toit solaire, on nous avait dit, écoutez, il sera pas cher, il va être moins cher que les autres, ça va être à peu près l'équivalent d'un prix régulier, ça va être un système qui va être parfait pour être en mesure de fonctionner, et comme tu le dis, de charger ce que l'on veut, d'alimenter une partie de la maison. Bref, on nous faisait vraiment miroiter là, l'élément solaire qui coûterait vraiment pas cher avec Tesla. Or, on peut maintenant précommander les panneaux solaires de Tesla. Ils ne sont pas prêts encore. On ne sait pas exactement quand ils vont être prêts. On dit que c'est en 2018. Bon, vous savez que vous avez entendu parler, et Luc aussi en a entendu parler, n'est-ce pas, que j'ai un petit problème avec les dates prévues par M. Tesla pour ses produits. On dit qu'en 2018, les tuiles solaires vont être disponibles. Vous pouvez les précommander À la condition de verser 1 330 $, c'est-à-dire l'équivalent de 1 000 $ américains, Ouais, parce que notre argent vaut rien. parce que notre argent ne vaut rien. Donc, 1 330 $ pour la précommande. Ça, c'est pour les réserver, mais vous n'avez pas encore tout à fait les détails. Ce que l'on sait aussi, selon l'information disponible, c'est que ça va coûter à peu près 21 $ 85 le pied carré. 21 $ 85 le pied carré, c'est énorme parce qu'on estime que si on fait un toit à peu près à 35 % recouvert des fameuses toiles solaires de M. Musk, ça pourrait coûter jusqu'à 65 000 $ US. Ouais. Là, on n'a juste pas de, tu sais, on n'a pas, ben, il parle de 3 000 pieds carrés. Donc, un toit de 3 000 pieds carrés C'est coûterait grand, par exemple, là, à mais... 35 %. Ouais, mais c'est probablement la maison d'Elon. Ma maison n'a pas 3 000 pieds carrés de toit, là. Mais, tu sais, 35 % pour 3 000 pieds carrés, 65 000 $, ça commence à être cher, là. commence à être cher et on parle de 35 %. Or, comme d'habitude, ses ambitions sont plus grandes que ça. Et lui estime que les gens vont faire au moins 50 % de leur toit en tuiles Tesla. Écoute, 50 %, ça commence à être de l'argent pas mal. On parle d'un toit de 80 000 $, c'est de l'argent en tabarouette. Et évidemment, il va falloir récupérer pas mal. Bon. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que c'est extrêmement résistant. D'abord, c'est des tuiles là, qui prennent la place des tuiles régulières sur le toit. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, on dit que c'est extrêmement résistant. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Tesla actuellement, Tesla Canada ou Tesla US, vous allez voir, il y a une espèce de comparaison où ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des grêlons, des espèces de grosses boules de glace de 5 cm que l'on a lancées à une vitesse de 160 km/h sur des tuiles comme celle-là. Les tuiles traditionnelles, les tuiles en céramique et les tuiles, bon, traditionnelles se brisent, alors que la toile solaire Tesla résiste pour le moment. Du moins, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce que ça donne comme impression. Pour le reste, évidemment, on n'a pas parlé des coûts d'installation. On n'en sait pas vraiment beaucoup plus là-dessus. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que le Solar Roof va justement s'intégrer à la batterie résidentielle Powerwall. Donc, il faut probablement acheter la Powerwall en supplément pour être en mesure de profiter au maximum de tout ça. On dit que c'est une garantie de puissance de 30 ans et contre la météo de 30 ans. Vous avez le choix de trois types de tuiles, là, des tuiles lisses, des tuiles texturées ou des tuiles comme espèce d'ardoise. On veut vraiment jouer la carte du style comme si vous aviez un véritable toit. Bon, écoutez, on verra ce que ça va donner. On va voir quelle est la vraie capacité de ces tuiles-là. On va surtout voir quelle est leur popularité, puisqu'à ce prix-là, ça prend quand même des gens qui sont un petit peu déchaînés, là. Il est clair que ça c'est pas donné, mais bon, c'est un élément intéressant pour Tesla. Tesla qui, on l'a dit, est d'ailleurs en plein développement, puisque ils veulent vraiment sortir des sentiers battus. Je veux dire, ils sont en pleine. Bon, on l'a dit, Elon Musk a présenté l'idée d'avoir un camion bientôt. Ça devrait être son prochain produit parce que il est là dans un coin où c'est le marché actuellement. Les camions, les camions légers, ça constitue à peu près 70 % des ventes au Canada. Donc, Tesla étant absent de ce modèle-là, ça devient un peu un marché que l'on laisse tomber pour rien, alors qu'on serait capable de le faire selon M. Musk. On verra ce que ça va donner. On attend toujours la fameuse Model 3. On dit qu'elle a été aperçue dans les rues de Palo Alto, où elle a été testée officiellement. Donc, on peut s'attendre à ce qu'effectivement la Model 3 arrive bientôt. Elon Musk a confirmé qu'elle devrait être disponible à compter du mois de juillet. Donc, c'est très, très bientôt, bien sûr. On sait qu'on est supposé en produire 5 000 unités par semaine d'ici la fin de l'année et 10 000 unités par semaine en 2018. Si c'est le cas, ce serait vraiment, écoutez, ce serait une belle, faut que je l'admette, même moi, ce serait une réussite assez exceptionnelle pour Tesla. Bref, on est vraiment là dans un monde de développement pour Tesla. Il le faut d'ailleurs parce qu'on le sait, la compagnie qui a atteint des sommets au niveau boursier, n'a plus vraiment le choix. À partir du moment où elle est comment je pourrais dire, elle est sous la loupe comme ça. C'est assez incroyable comment ça pourrait tomber rapidement si jamais Tesla ne remplissait pas ses promesses ou ne fournissait pas vraiment de toute l'information et tous les produits que l'on nous a annoncés. Bref, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va avec les produits Tesla. C'est là qu'on s'en va avec le toit. En passant, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit 21 $. C'est pas 21, c'est 42 $ US le pied carré pour installer les fameuses toiles. Ben, pas les toiles, mais les tuiles. Excusez. Et on dit qu'en comparaison, ça coûte à peu près 17 $ pour avoir quelque chose, les tuiles, les bardeaux traditionnels en asphalte. Ouais, c'est ça. Selon les estimations de l'article que je regarde, là, il parle 65 000 pour 30% du toit. 45 000, ça serait un toit qui serait en tuiles, là, un peu comme les maisons italiennes, on voit comme les tuiles de C'est ça. céramique. Ça, c'est 45 000. Puis un toit de bardeaux normal de même grandeur coûterait 20 000 à faire. Donc le toit de bardeaux est trois fois, même plus que trois fois moins cher C'est ça. que le toit régulier, tu sais, que le toit Tesla. Ça commence à être cher. Au Québec, je peux pas voir que ça soit vraiment payant, vraiment, parce que notre électricité est pas chère, mais je peux voir une place comme aux États-Unis où l'électricité est très, très dispendieuse. Là, ça pourrait valoir la peine. Ouais, on verra. En fait, moi, comme je te dis, le problème, c'est toujours au niveau de l'installation. Tu sais, si ça te coûte 100 000 piastres à faire un toit, là, faut que tu en sauves de l'électricité. Ouais, exactement, c'est sûr. Mais aux États-Unis, dans certains États, tu peux revendre ton surplus d'électricité à la compagnie d'électricité, ce qu'on peut pas faire au Québec. Donc peut-être que tu es rendu là aussi, tu as peut-être un petit côté de profit que tu peux faire. Si tu consommes pas Ben, beaucoup, mais tu produis assez. faut vraiment pas consommer beaucoup, en tout Non, cas. mais il faut que tu en produises pas mal aussi. C'est ça. Donc c'est bon, Marc, on va faire une petite pause sur notre premier sujet, non automobile, mais vraiment pas pantoute. Puis on va faire un retour avec Samuel Lessard qui va nous faire sa chronique nouvelle automobile. Alors nous sommes de retour et c'est l'heure du bloc nouvelle avec Samuel Lessard. Salut Samuel. Salut Luc. Ça va bien? Oui, ça va toujours bien, toi? Ben oui. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Tu as pas mal de nouvelles sur la table, dont un bloc où tu veux nous parler de moteur diesel. Ouais, effectivement, Luc, dans les dernières semaines, ça a été assez prolifique à ce niveau-là, en ce qui a trait au moteur diesel chez plusieurs constructeurs. On commence par BMW qui a confirmé qu'il y aurait une version de sa série 5 qui va être importée aux États-Unis, une version diesel qui va s'appeler la 540D. On a déjà eu par le passé des versions diesel de la série 5, mais là, c'est confirmé, la nouvelle génération va arriver avec ça. Ça va être un 6 cylindres en ligne de 3 litres. On ne connaît pas encore les chiffres de puissance vraiment de façon très précise, mais on sait qu'en Europe, ce moteur-là a 262 chevaux et 457 livres-pieds de couple. Ouais. Et c'est tout ça est accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. Donc, ça devrait ressembler à ça de notre côté quand ça va arriver. Ouais, mais ça paraît pas beaucoup 262 chevaux, mais ce qui est important dans un moteur, c'est le couple. C'est ça qu'on ressent. Ouais. Fait que 457 livres-pieds de couple, c'est. C'est comment c'est sérieux dans une Ça auto qui est commence à gros être comme une intéressant. Honda Accord à peu près, là. Ouais, ça commence à être très, très intéressant. Ouais. Puis si on laisse de côté la série 5, BMW a quand même d'autres nouvelles par rapport au diesel. Il y a un rapport qui suggère que justement BMW allait poursuivre d'importer en Amérique du Nord les prochaines générations de série 3 et de X3 comme ça se fait actuellement avec le moteur 4 cylindres 2 litres. Actuellement, il y a 180 chevaux, mais là, on parle d'une version qui va être retravaillée un petit peu, là, autour de 190 chevaux pour le nouveau moteur et 295 livres-pieds de couple. Donc, toujours accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. Ouais. Donc, BMW, visiblement, qui continue d'offrir des moteurs diesel malgré la mauvaise presse qui a été créée par le scandale Volkswagen, là, au cours de la dernière année et demie même, là. Donc, BMW qui poursuit en ce sens-là. Contrairement à ma prochaine nouvelle qui nous parle de Mercedes, qui de son côté, Mercedes en 2017, n'offrira pas de modèle diesel de notre côté. Et là, j'apporte la nuance suivante, c'est vraiment l'année 2017, même si on est au mois de mai actuellement. Depuis plusieurs mois, Mercedes tentait de faire approuver ses moteurs diesel auprès de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Et malgré les efforts, malgré le travail qui a été fait, les moteurs n'ont pas été approuvés. Donc, c'est pour ça que Mercedes n'offrira pas de moteur diesel en 2017. Il n'y a rien qui mentionne à savoir si on va en avoir en 2018 ou en 2019 ou à l'avenir. Mais pour 2017, on le sait, pas de moteur diesel du côté de Mercedes. OK, ça va ouvrir la porte pour les autres, même si les autres sont pas. Tu sais, au Canada, puis aux États-Unis, il n'y a pas des tonnes de moteurs diesel dans les voitures. Dans les camions, il y en a, là, dans les voitures, il n'y en a pas beaucoup. ça va ouvrir les portes aux autres. Assez restreint. Oui, c'est un marché qui est restreint, mais quand même qui peut être intéressant pour une certaine catégorie d'acheteurs. Ouais, c'est ceux qui font beaucoup d'autoroutes, beaucoup de routes, là, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est toujours en ville, un diesel, ça ne serait pas vraiment grand-chose. Oui, exactement, c'est ça. C'est bon. C'est bon sur la route. Ouais. On poursuit avec Mazda, toujours du côté du moteur diesel, qui a avancé que, ben, on sait... En fait, ça fait plusieurs années que la rumeur est dans l'air là, que le CX-5 ou peut-être éventuellement la Mazda 6 aura un moteur diesel. Mais là, c'est confirmé depuis un certain nombre de mois que le CX-5 va avoir son moteur diesel à partir de l'automne qui s'en vient, donc l'automne 2017. Mm-hmm. Et Mazda a même avancé qu'environ 10% des CX-5 qui vont être vendus aux États-Unis seront munis d'un moteur diesel. Bon. Ce qui semble être quand même un chiffre assez élevé en proportion si on considère ce qui se faisait du côté de Volkswagen, tout ça, là. Bon, en tout cas, Mazda mentionne qu'au départ, ça va être les versions plutôt équipées, comme la version GT qui va avoir le moteur diesel en option, en plus du moteur 2.5 litres qui est déjà offert, mm-hmm. et éventuellement, possiblement, que les versions GX et GS vont en être équipées. Ouais. Dans l'avenir. Je trouve que c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu voir ça avec des lunettes roses. Je suis pas certain que tant de gens que ça, dans ce type de véhicule-là, va rechercher un diesel. Puis, tu sais, le diesel dans produit Mazda, comme je pourrais dire, je vais le croire quand je vais le voir. Parce ouais. que moi, j'avais été essayer la Mazda 6 diesel déjà. Puis ça, okay. ça allait très bien, mais c'était des versions importées d'Europe. Ça allait okay. super bien, ça s'en venait comme à l'automne, puis on attend encore l'automne dans laquelle ça va sortir. Ouais. Ils ont dit que ça sortait à l'automne, ils n'ont jamais dit l'automne de quelle année. Puis finalement, ouais, c'est ça a tombé dans les oubliettes, puis on n'a plus jamais entendu parler. Est-ce que ça va ça être la même chose? Ben oui, puis c'est pour ça que j'ai mis le bémol que ça fait plusieurs années qu'on l'attend, ce modèle-là, le CX-5 diesel. Ouais. Et là, ça semble-t-il que c'est confirmé, mais comme tu dis, je suis un peu comme toi, on va le craindre quand on va le voir, comme on dit. C'est ça, parce qu'au début, c'était dans la Mazda 6, puis après ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est bon. Bon, et on poursuit, dernière nouvelle diesel du côté des moteurs V6 3 litres. J'aime ton segway dans on poursuit. Oui. ça tombe bien dans ton sujet. Ouais, effectivement. Ouais, oui, tout à fait. Et donc, justement, les moteurs V6 3 litres TDI de Volkswagen Audi, le règlement, les derniers ajustements, les derniers... en fait, comment je dirais ça, les derniers détails ont été réglés pour justement que les propriétaires puissent être remboursés ou que leur véhicule puisse être réparé. Okay. Donc, on sait que pour les moteurs 4 cylindres de litres, c'est déjà fait, là, le processus est déjà enclenché, mais pour les moteurs V6 3 litres, ça traînait toujours. Donc, à l'avenir, dans les prochains mois, en fait, le processus devrait s'enclencher. On parle pour les États-Unis d'un règlement qui équivaut à plus $1 milliard là, pour Volkswagen, donc ça va être une facture qui va leur revenir à plus $1 milliard. Mais pour le Canada, on n'a toujours pas de détails, on attend les détails de ce règlement-là. Ça va coûter cher, hein? Ça va coûter cher, puis en tout cas, je ne sais pas s'ils vont apprendre de leurs erreurs, mais en tout cas, ils vont avoir la facture pour leur rappeler. On espère, ouais, c'est ça, il faudrait qu'ils l'encadrent et qu'ils la mettent sur un mur au bureau chef de Volkswagen pour se dire, il ne faudrait plus jamais refaire ça. on verra dans le temps où ça va les mener. Ouais, c'est ça. Et on poursuit, quittons l'univers du diesel, on s'en va vers deux modèles, Luc, qui vont être retirés du marché, mais en fait, qu'ils sont déjà. On commence avec la Kia Forte Coupe, qui est le modèle deux portes de la Kia Forte. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas eu de renouvellement en 2017, le dernier modèle était en 2016. Et on attribue vraisemblablement la disparition de ce modèle-là au fait que c'est un modèle qui était tout simplement plus populaire et il y a des petits VUS, les petits multisegments, tout ça qui reprennent beaucoup de parts de marché. Donc, les modèles deux portes, c'est plus tellement populaire. D'autant plus, comme on parlait un peu plus tôt, hors d'onde, que l'Elantra deux portes a été éliminé du catalogue de Hyundai il y a à peu près un an ou deux. Ouais, c'est ça. Ça se vendait pas, puis Hyundai a décidé de garder la version hatchback, puis la version, fait que la 5 portes, puis la 4 portes dans la Forte. Fait que c'était écrit dans le ciel que Kia ferait pareil à un moment donné. Tu garderais pas juste ce modèle-là. Mm-hmm. C'était une belle voiture, mais ça manquait un peu de... Tu sais, le Forte Coupe, c'est un peu comme le Veloster chez Hyundai. C'est que c'est un véhicule qui a de la gueule, a l'air agressif, a l'air t'sais, est vraiment amusant à conduire. Puis quand tu as conduit, c'est correct, mais ça manque un petit peu de punch. T'sais, ça prendrait un moteur un peu plus puissant, un petit peu plus de coupe pour la mettre plus sportive. Fait que ça manquait un peu de punch. Mais c'était correct, là. Mais c'est ça, c'était pas... Fait que ça brisait pas des records de vente non plus. Non, ça brisait pas des records de vente. Pas plus que le deuxième modèle qui est retiré du marché, qui est la BMW Série 6 coupée. Ouais. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu ce véhicule-là sur la route. Là. Donc, la production est terminée depuis février dernier. Et personne s'en est aperçu. Personne s'en est aperçu. On vient de s'en apercevoir. Ouais. Et... juste mentionner, Luc, qu'il y a quand même les modèles décapotables et les modèles grand coupé qui sont des espèces de modèles à quatre portes, là, une espèce de véhicule allongé à quatre portes. Là. Ouais, une berline qu'on appelle un coupé, finalement. Berline coupée, oui, c'est ça. Ouais. Et du côté de chez BMW, il y en a certains qui avancent que les raisons de cette disparition-là, c'est pour faire de la place pour une éventuelle série 8 qui devrait arriver sous peu, là, si on se fie aux images espions puis aux teasers que BMW a envoyés dernièrement. Et il y a d'autres gens qui disent que c'est tout simplement à cause de la faible popularité du modèle coupé et que ce serait le modèle grand coupé à quatre portes qui aurait repris l'ensemble des ventes du modèle deux portes, dans le fond. Oui, c'est ça. Les coupés sont en train de perdre beaucoup de vitesse. Puis quand les gens veulent un coupé, ils vont aller chercher comme un muscle car ou un pony car, comme une Mustang, une Camaro ou quelque chose de ce genre-là. T'sais. Sinon, ben ils vont aller chercher souvent une berline. C'est plus pratique qu'une berline. Si tu commences à avoir des enfants, à embarquer des enfants dans un coupé, c'est pas toujours évident. Là. Puis peut-être que BMW s'est fait prendre à son propre jeu aussi. On sait que BMW sort beaucoup de versions différentes de plusieurs modèles. T'sais, la série 6, par exemple, on en a parlé un peu. Il y a un modèle deux portes, il y a un modèle convertible, il y a un modèle grand coupé. Si on va du côté de la série 3, par exemple, la série 3, il y a le deux portes, il y a le quatre portes, il y a la familiale, il y a la série 3 GT aussi. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, c'est certain que les ventes sont diluées à travers les modèles. Puis à un moment donné, il y a certains modèles plus précis, plus de niches qui sont moins vendus. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il faut se débarrasser de modèles aussi. Quand tu as trop de modèles, à un moment donné, ça commence à coûter cher de production. Ouais, tu rapetisses un peu ça. Puis tu sais, une BMW entre une série 4 4 portes, puis une série 4, une série 3 de 4 portes, ou une série 3 coupée. Tu ne dois pas avoir une grosse différence d'agrément de conduite quand tu es rendu dans une M3 ou une M4. Là. Non, c'est ça. Okay. Effectivement. C'est bon. Poursuivons, Luc, avec les véhicules électriques en Europe. Les ventes de véhicules électriques en Europe qui ont bondi pour le premier trimestre de 2017, elles ont augmenté de 38% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc, on parle pour le premier trimestre de 2017 de 32 627 véhicules qui ont été vendus à travers l'Union européenne. Et le modèle le plus vendu, c'est la Renault Zoe. Oui, qui est la petite cousine cute de la Nissan Leaf, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas la même architecture tout à fait, pas tout à fait la même mécanique, mais c'est parents proches, disons. Oui, c'est ça. Elle est beaucoup plus jolie aussi. La Zoé, ça serait vraiment le fun de l'avoir ici, mais bon. Elle est plus petite aussi, là. En tout cas, c'est à peu près de la dimension d'une Toyota Yaris hatchback. Et son prix est d'environ 24 000 euros, ce qui serait correspondant à peu près à 35 000 $ canadiens en dollars d'aujourd'hui, à peu près. Oui, ça. Ils ont amélioré aussi l'autonomie de la Zoé, fait que c'est un petit peu plus intéressant. Ils ont changé. Quand Renault a sorti la Zoé, il y a quelques années, le système de recharge était propriétaire à Renault. Fait que c'était impossible à charger où tu voulais. Dans des bornes, disons, publiques. Ouais, puis c'était compliqué. Puis même à la maison, c'était compliqué. Puis là, fait que Renault a changé ça, puis sont revenus avec un système de recharge standard. Puis ils ont vendu des adaptateurs pour les gens qui avaient l'ancien système. Là. Fait qu'ils ont rejoué un peu là-dessus, là, mais c'était vraiment pas jojo au début. Fait que là, en ayant une voiture plus standard, ben, les gens sont attirés. Puis elle est cute, la Zoé est vraiment jolie. Là. Ouais, elle a vraiment un beau design, effectivement. Une belle petite bouille. Oui, tout à fait. Puis une petite dernière, Fenin? Oui, allons-y avec la Porsche 911 qui, jeudi le 11 mai, le millionième exemplaire de la Porsche 911 est sorti de l'usine. Cet exemplaire-là, si on se rappelle un peu, là, fouillez dans votre mémoire pour trouver ce que ça a l'air, la première 911 de 1963. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont une voiture de couleur verte dans la tête actuellement. Mm-hmm. En fait, la Porsche 911, la millionième produite, est exactement de cette couleur-là et a été équipé aussi d'un certain nombre de caractéristiques qui rappellent la Porsche 911 originale de 1963. Je veux juste préciser, pour ceux qui auraient envie de l'acheter, c'est pas possible. Elle va être envoyée au musée Porsche. Mais avant de se rendre au musée, elle va faire une espèce de tournée mondiale. Elle va se déplacer en Chine, aux États-Unis, dans le coin du circuit du Nürburgring, entre autres, pour justement faire une tournée mondiale pour souligner justement ce millionième exemplaire-là. Fait que finalement, Porsche s'est passé une commande et s'est arrangé pour que ça soit la millionième construite. Disons que ça doit être arrangé avec le gars des vues. Un petit peu, Michael Bay a peut-être quelque chose à avoir là-dedans. Peut-être, oui, effectivement. C'est bon, Samuel. Donc, merci encore une fois pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Il y a toujours mon Facebook, Samuel Lessard. Vous pouvez me rejoindre sans problème là-dessus. Puis, il y a toujours notre fameux groupe d'amateurs d'automobile qui est sur Facebook. Vous pouvez nous trouver en tapant groupe francophone d'amateurs d'automobile. Donc, vous allez nous trouver sans problème. Super. Donc, merci encore une fois. Puis, on se reparle merci, dans Luc. Deux semaines. Parfait. OK. Salut. Bye. Alors nous, on va faire une petite pause, puis on revient avec Marc. Alors nous sommes de retour, et c'est maintenant l'heure de notre chronique essai routier. Marc, cette semaine, t'es au volant de la Honda Accord hybride, qui fait un retour. Elle avait été comme tassée, Honda avait décidé de plus la faire, puis là, il la ramène. C'est comment? Est-ce que ça vaut la peine? Ben, moi, je dirais que oui. Il faut dire que Honda avait une vision particulière de la Honda hybride avant, de la Accord hybride avant. Il se servait en fait du moteur électrique pour augmenter la puissance du véhicule. Alors, la Accord V6 qui servait de base avait normalement 232 chevaux, mais quand tu arrivais avec la hybride, ben, tu te retrouvais à 255 chevaux. T'sais. OK. OK. Alors, oui, on avait la même économie de carburant, mais on avait de la puissance supplémentaire. Or, cette fois, on mise vraiment davantage sur l'économie de carburant, là, réellement. On estime que c'est vraiment là qui est le point important, et je pense qu'ils ont raison parce que tout le monde le regarde. Alors, on nous dit, par exemple, qu'on fait 4,9 en ville et 5,1 sur la grande route, soit 5 litres au 100 combinés. Mm-hmm. C'est honnêtement, à mon avis, même un peu pessimiste comme résultat. Je pense que si tu conduis de façon intelligente et efficace avec la nouvelle Accord hybride, tu es capable de faire même un petit peu mieux que ça. Pas beaucoup, mais en tout cas, tu es au moins capable d'atteindre ces chiffres-là sans nécessairement vous donner l'impression là, que tu conduis en faisant de l'hypermiling, là, de l'hypermilage, puis tu conduis comme un imbécile. OK. C'est un véhicule qui est bien fait. Évidemment, bon, on parlait du look rapidement. C'est la Honda Accord comme on la connaît. Les gens aiment ou n'aiment pas le nouveau look Honda. Moi, j'avoue que beaucoup de chrome, ça me gosse un petit peu. Mais pour le reste, c'est quand même un véhicule qui est très joli, qui est bien. À l'intérieur, c'est extrêmement spacieux. Vraiment difficile de trouver mieux comme espace intérieur. Le gros problème, c'est, je dirais, le système multimédia qui, moi, me dérange. Je trouve qu'il est compliqué pour rien. Je trouve que, tu sais, t'as comme toutes sortes de menus, ça, c'est, je sais pas, j'aime pas le nouveau système Honda, je trouve ça extrêmement désagréable. En revanche, ce que j'aime beaucoup chez Honda maintenant et qui est standard sur tous les véhicules, c'est la caméra pour la détection d'angle mort quand tu signales vers la droite. Donc, quand tu enclenches le clignotant vers la droite, il y a une caméra qui s'active et tu as une image qui te montre ton angle mort. Donc, s'il y a un cycliste, s'il y a un piéton, s'il y a quoi que ce soit, tu le vois. Je trouve ça absolument génial. Je trouve que c'est une super, super bonne idée. Bien sûr, tous les systèmes de sécurité embarqués, ils sont là. Pré-collision frontale avec freinage d'urgence, surveillance d'angle mort, prévention de sortie de voie. Il y a bien entendu une caméra de recul dont on peut changer l'angle aussi et ça se fait très bien. Bref, c'est un véhicule qui est relativement sécuritaire, bien entendu, dans sa forme et dans sa fonction. Évidemment, c'est pas pour ça qu'on l'achète, c'est davantage pour sa motorisation, parce que, comme je l'ai dit, l'intérieur, on est... Surtout que moi, j'avais la version Touring, là, qui est la version la plus équipée, tu sais, qui arrive avec une sellerie de cuir perforée, des sièges arrière chauffants, un système de navigation intégré, tous les réglages électriques. Une recharge sans fil pour téléphone intelligent qui est aussi disponible, mais que je n'ai pas réussi à faire fonctionner sur le mien pour une raison que j'ignore, alors qu'il fonctionne très, très bien ailleurs. Bref, en tout cas, c'est vraiment assez bien fait, c'est bien pensé et c'est spacieux. La vraie beauté de ce véhicule-là, cependant, se trouve sous le capot. C'est un moteur 4 cylindres 2.4 litres Atkinson, bien sûr, comme c'est le cas de la plupart des véhicules hybrides, qui est jumelé à un moteur électrique et à une boîte automatique électronique à variation continue. Ensemble, les deux font 212 chevaux. C'est relativement puissant, il faut le dire, pour un véhicule 4 cylindres. C'est même très puissant. C'est relativement nerveux puisqu'on peut le mettre en mode électrique. Et là, évidemment, ça fonctionne très bien. Et c'est agréable à conduire parce qu'on ne ressent pas qu'on doit faire de compromis pour être en mesure d'aller chercher je dirais, le plaisir de conduite et autre que l'hybride. Évidemment, l'hybride nous donne un certain avantage et c'est toujours le fun de regarder où va la consommation de carburant et la consommation d'énergie. Évidemment, dans les menus, on peut avoir tout ça, mais on n'a pas l'impression d'être obligé de faire de grands compromis pour être en mesure de tirer profit de tout ça. Et ça, c'est intéressant. La boîte de vitesse se comporte bien comme une CVT peut le faire, quoique honnêtement, elle n'a pas été dérangeante comme certaines tout au long de la conduite. Et bien sûr, on apprécie le fait que l'on puisse jouer avec les réglages, c'est-à-dire que à une certaine vitesse, avec une certaine accélération, et quand le véhicule s'y prête, parce qu'il faut qu'il soit relativement chaud, moteur à froid n'acceptera pas, on peut se mettre en mode 100% électrique. On peut faire une certaine distance avec ça. On peut aussi faire, par exemple, le mettre en mode hybride où, bon, les deux récupèrent les deux côtés et le mode engine qui, lui, bien évidemment, fonctionne uniquement sur le moteur à essence. Bref, c'est un véhicule qui, honnêtement, est très agréable, que j'ai bien apprécié, qui n'est cependant pas donné, il faut le préciser, parce qu'en version hybride Touring comme la mienne, on parle d'un prix de base qui est un peu supérieur à 37 000 Ouais. 37 300 en fait de base. Pour la version Touring. Évidemment, il y a des versions un peu moins dispendieuses, là. Il y a une version qui est un petit peu moins équipée que la Touring, qui est aussi disponible en version hybride. On parle de 31 200 de base, mais c'est quand même très bien. Bref, honnêtement, c'est une belle réussite. Si on aime le look, si on aime le nouveau style, qui se rapproche beaucoup, là, de la Honda Civic, je te dirais, dans la partie avant, moi, j'ai beaucoup aimé et c'est définitivement, à mon sens, la meilleure hybride que Honda a réussi à faire jusqu'à maintenant. Non, c'est quand même bien. Oui, c'est très, très bien. Et toi, mon cher, pour toi aussi, tu es en mode hybride de verre cette semaine. Tu avais beaucoup aimé la version électrique de la Hyundai Ioniq, mais là, tu sembles avoir quelques réticences face à la Ioniq hybride. Mais j'ai pas vraiment de réticence vers la Ioniq hybride. J'ai juste pas été impressionné par la consommation. Si tu parles la Honda Accord que tu avais, on parlait d'environ 5 litres aux 100 km, t'sais, combinés, mais la voiture est plus grosse et tout ça. J'ai fini ma semaine à 5 litres aux 100 km avec pas l'Elantra, la Ioniq hybride. Puis je m'attendais à faire un peu mieux. Je m'attendais à être 4,4, 4,5 ou même plus proche du 4 que du 5. Et ce qui m'a un peu, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est lundi, bon, vous avez entendu parler, il y avait beaucoup d'endroits fermés. Le pont Galipo à l'Île-Perrot était fermé. Donc, j'ai été pris dans le trafic pour monter à Montréal pour aller porter la voiture, justement, pour que quelqu'un d'autre puisse la ramasser lundi. Puis, j'étais pris dans le trafic, c'était vraiment solide. 2 heures et demie de trafic solide. Et puis, au lieu de descendre ma consommation, ça a augmenté ma consommation. Puis, fait que j'étais comme à 4,7, puis j'ai fini à 5. Mais comment tu peux augmenter ta consommation dans le trafic quand tu es C'est dans ce que je l'hybride? comprends pas, parce que je freinais d'avance, j'essayais de régénérer, mais on Mais là, dirait. OK, fais-moi pas parler encore des technologies des Hyundai Ioniq. Là, tu sais qu'il y a une autre partie électrique que moi, j'ai pas compris. Là. Fait que je vais te Ouais. laisser aller sur celle-là. Fait que c'est ça, je fais juste pas comprendre un peu parce que le moteur à gaz s'entêtait à vouloir recharger la batterie même quand j'étais à l'arrêt. Tu sais, si j'étais à l'arrêt, arrête le moteur à gaz puis tu le repartiras quand je commencerai à avancer. Mais non, j'étais à l'arrêt complet puis le moteur à gaz roulait. Mais pourtant, non, il y avait un start-stop. Moi, j'allais conduire la Ouais, Ioniq hybride, il y a un puis il y a un start-stop. start-stop qui fonctionnait super bien, là. Ouais, mais moi dans le trafic, ça a comme pas voulu. J'avançais un petit peu, j'étais complètement arrêté. Le moteur à essence continuait à rouler pour remplir ma batterie. Mais j'étais à l'arrêt, là. J'avais le pied sur le frein, puis je bougeais pas d'un poil. Fait que je comprends pas un peu si c'est-tu une mauvaise calibration de cette voiture-là. C'est-tu... Normalement... Pourtant, ça doit être la même que j'ai eu. Remarque que j'ai pas eu ces problèmes-là, mais j'ai pas été coincé dans le trafic bien longtemps. Ouais, ça, moi, j'ai été coincé dans le trafic solide, comme je disais, 2h30, là. Puis j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que la majorité des voitures hybrides que j'ai conduites, quand t'es à l'arrêt, puis tout arrête, puis le moteur à essence commence à recharger la batterie au besoin quand tu te remets à avancer, puis tu sais, il y a du mouvement, puis ça prend de l'énergie pour faire avancer la voiture. Mais là, arrêté complètement dans la circulation avec le moteur à essence qui roulait, je me sentais comme n'importe qui avait une voiture à essence un peu dans cette... Tu sais, la beauté de cette voiture-là, c'est qu'elle consomme pas normalement quand t'es à l'arrêt, elle consomme très peu quand t'es pris dans le trafic. C'est la grande force normalement des voitures hybrides puis des voitures électriques, c'est dans le trafic tu consommes pas parce que ton moteur est normalement arrêté puis tu roules un petit peu sur l'électrique. Là, elle consommait puis je voyais ma consommation monter. Quand je suis parti de chez nous, j'ai dit j'étais à 4.7, 4.8 puis je suis arrivé à destination, j'étais à 5 litres au 100. Fait qu'au lieu de descendre ma consommation, ça l'a monté ma consommation. Bon, c'est vraiment le seul petit point négatif que je peux voir à cette voiture-là. Puis encore là, c'est-tu quelque chose qui est arrivé puis que quelqu'un d'autre aurait la même voiture puis il n'y aurait pas nécessairement ce problème-là? C'est une mauvaise journée que j'ai eue? C'est possible. Ce que j'ai trouvé impressionnant, par exemple, c'est l'espace de chargement dans cette voiture-là. Puis j'ai mis des photos sur... Il y a un groupe Ioniq. Si la voiture Ioniq vous intéresse, là, il y a un groupe Ioniq sur Facebook qui s'est ouvert. Puis les gens qui pensent se magasiner une voiture Hyundai Ioniq ou qui ont déjà acheté une voiture se regroupent là. Et puis j'ai commencé... Bon, j'ai relaté un peu mon expérience avec la Ioniq, comme quoi c'est très positif. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est l'heure des changements de pneus. 8 pneus dans une Hyundai Ioniq, c'est assez logeable cette voiture-là. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as-tu des photos? J'avais pas des photos pour les 8 pneus, mais j'ai mis une photo dans le groupe de 4 pneus que j'allais porter chez le garage local pour changer mes pneus de Leaf. Et c'était vraiment, je pouvais mettre 4 pneus debout dans le coffre arrière avec la valise fermée puis les sièges encore levés. J'avais de la place pour mettre mes 4 pneus. Quand j'ai mis 8 pneus, j'ai juste descendu les sièges arrière, puis j'ai été capable de mettre 4 autres pneus couchés pour les apporter. Donc j'avais 8 pneus dans la Ioniq. C'est quand même logeable. On est capable d'avoir de la place dans cette voiture-là si on descend les sièges. Mais juste le fait d'être capable de mettre 4 pneus debout dans le coffre, oui, c'est un haillon, mais c'est assez exceptionnel. Je peux même pas faire ça dans mon VUS. Je peux même pas mettre les 4 pneus debout dans mon VUS en arrière sans descendre les sièges. J'ai pas assez de place. Un Ford Escape 2010, la valise, c'est pas... Non, mais c'est pas le meilleur. Là. Non, c'est pas super spacieux. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Pour le reste, c'est une voiture qui est confortable, c'est une voiture qui est jolie. On a les prix aussi. Il y a plusieurs versions. Il y a 4 versions de la Ioniq hybride. Il y a la version Blue, qui est la version de base, qui commence à 24 299 $. On a la version SE, qui est à 26 499 $. On a la version Limited. Là, on commence à monter avec des sièges en cuir et tout ça. 29 749 $. Et la Limited Technology, probablement qui rajoute le toit ouvrant puis quelques gugus électroniques dedans. 31 749 $, ça rajoute probablement les détections de changement de voie puis le contrôle de vitesse adaptatif, ces choses-là. 31 749 $, c'est pas tellement plus cher qu'une Elantra équipée de la même chose. C'est sûr, il doit y avoir une différence de prix là, mais c'est pas si cher que ça là. Donc je trouve ça quand même intéressant. C'est une jolie voiture, c'est une voiture qui est confortable, qui est agréable. Ma conjointe m'a même dit belle qualité d'assemblage. Oui, très très bien fini à l'intérieur. Ma conjointe était même un peu triste de la voir partir parce qu'on l'a eu une semaine et demie. Puis c'est rare qu'elle me dise ça va être plate depuis l'avoir cette voiture-là. Puis elle m'a dit ça pour la Ioniq hybride. Elle m'a dit ça va être plate. Je trouve ça plate qu'elle s'en aille. T'sais. Fait que c'est quand même, c'est un hit. Là. Ça a été, c'était une voiture qu'elle a appréciée. Puis que tout le monde qui l'a vue l'ont beaucoup appréciée aussi. Là. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur cette voiture-là. Les gens sont intéressés. Ça l'a attiré l'attention un petit peu. Oui, puis écoute, le fait, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans sa version branchable cependant. Oui, à l'automne. C'est ça. Je t'avoue que j'ai trouvé correct, oh mon Dieu, j'ai trouvé correct la conduite de la hybride, mais effectivement, la branchable, j'avais hâte de voir ça. Ouais, ça pourrait être un bon entre-deux. On parle d'une quarantaine de kilomètres d'autonomie, peut-être probablement un petit peu plus que ça dans les embouteillages. Là. Ouais. Non, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'espère pouvoir mettre la main dessus cet automne. Ça devrait. C'est une voiture qui est très intéressante pour t'sais, une petite famille. Tu n'as pas besoin d'une grosse voiture. Tu as deux enfants, puis tu vas avoir un peu de place dans le coffre. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec Marc. Marc va nous parler de son voyage pour aller essayer le nouveau Chevrolet Equinox. Alors, nous sommes de retour pour le dernier bloc. Et Marc, tu as été assez chanceux pour être invité au lancement du Chevrolet Equinox de nouvelle génération. C'est comment? Est-ce que GM peut compétitionner avec les autres dans ce marché-là avec cette nouvelle arrivée? Ben, en fait, moi, je te dirais que j'ai rarement vu un véhicule progresser autant d'une génération à l'autre. OK. OK. Tu vas me dire que c'est pas difficile puisque quand même l'Equinox ne date pas d'hier, c'est-à-dire qu'il datait quand même de 2005. Mm-hmm. Fait que c'est une vieille bébelle, mais il était bon. Tu sais, il avait comme atteint sa limite là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui est intéressant avec le nouvel Equinox, en fait, c'est qu'on est reparti de zéro pour on a décidé de construire un tout nouveau véhicule et qu'on a bien fait le travail. Okay. Sérieusement, en termes de look. Je sais que toi, tu aimes bien ce genre de look-là, le nouveau look GM. Oui, ouais, ouais, c'est joli. C'est joli. Moi, je t'avoue que je l'aime beaucoup de l'extérieur. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Je le trouve très beau. Mon seul problème, en fait, il y a quand même petit quelque chose qui me dérange à l'intérieur. Okay. Moi, c'est vraiment l'intérieur qui me... Non, je suis pas sûr. Parce que on se retrouve vraiment avec un intérieur qui est tout à fait Chevrolet, c'est-à-dire, oui, il y a un grand écran en haut, un peu comme on le retrouve ailleurs. L'avantage comparativement, par exemple, à Mazda ou à d'autres, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça a été rajouté après. Tu sais, on sent qu'il est comme intégré, alors que Mazda, ben, il est un peu en haut. Même Mercedes utilise cette technique-là, là, de le mettre un peu en haut. Ouais. Moi, ça me dérange. J'avoue que ça me dérange foncièrement, mais n'empêche que c'est quand même un beau look. C'est dans le cas du Chevrolet, c'est moins vrai. Oui, il y a l'écran, mais on est encore avec des espèces de gros boutons. Je trouve que ça fait très début des années 2000. J'aime pas beaucoup ça, et j'aime pas beaucoup non plus le fait que dans le tableau de bord, il y a beaucoup d'informations. Vraiment beaucoup. Oui, tu as les cadrans traditionnels, mais au centre, tu as un petit écran qui te donne l'information, consommation, tout ce que tu veux. Les caractères sont gros, c'est facile à lire quand on les regarde individuellement, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations dans un petit espace. Et ça me dérange pas mal parce que je trouve qu'on a de la difficulté à se concentrer sur l'information que l'on voulait. OK. Par contre, écoute, je dois te dire, en revanche, bon, c'est sûr que pour l'essai, là, moi, au départ, j'avais la version première. Et la version première, c'est vraiment bien assemblé à l'intérieur. On a vraiment fait des affaires assez cool. Entre autres, moi, j'avais un véhicule qui était comme orange, d'un bel orangé, là, c'est orange GM. Mm-hmm. Et c'était vraiment, il y a des surpiqûres à l'intérieur de la même couleur ou à peu près. C'est vraiment très joli. Siège en cuir. Tu sais, la qualité de finition était vraiment impeccable. Au retour, on a eu la version LT, la version qui est un peu plus de base, qui devrait être la plus populaire, honnêtement, en termes de prix aussi. Et ben là, évidemment, c'est des sièges en tissu, des sièges qui sont un peu moins confortables à long terme. Moi, j'ai fait de la région de Niagara jusqu'à Toronto. C'est quand même juste une heure et demie ou à peu près. Mm-hmm. Et honnêtement, tu sais, là, j'étais un peu moins confortable dans les sièges, bien qu'à la longue, ça a fini par se régler, là, et j'ai réussi à trouver une position de conduite qui était, somme toute, agréable. Un bon mot aussi pour l'espace de chargement. Pourquoi j'en parle? C'est que le véhicule lui-même a changé de dimension un petit peu, il a raccourci un petit peu, on a changé certains éléments, mais on a réussi à garder plus d'espace de chargement que dans l'ancienne version. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une excellente chose, mmh. Mais la façon dont on le fait, c'est qu'on a un peu triché. C'est-à-dire que, bon, excusez-moi, je disais qu'il y avait raccourci, c'est pas vrai, il a agrandi, là. On l'a agrandi de 5 pouces. Je confusion ce matin, j'ai de la misère avec mes mots. Mais on a surtout donné l'espace aux passagers, ça c'est une bonne nouvelle, et la façon, en fait, dont on a réglé le tout, c'est qu'on a été capable d'utiliser l'espace sais, dans l'Equinox, il y a une espèce de faux plancher qui te permet d'avoir, quand tu abaisses les banquettes, un plancher plat. On est capable d'aller chercher, on a éliminé des éléments en dessous de ce faux plancher-là pour maximiser l'usage de cet espace-là. Donc, ça permet à tout le moins d'être en mesure d'avoir accès à plus d'espace, bien que ce soit assez infime, tu en es conscient, là. C'est pas énorme comme différence. OK, c'est bon, c'est bon. Un petit peu, des fois, c'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas C'est ça, nécessairement besoin exactement. de, t'sais, énormément d'espace, mais juste un espace raisonnable. Exactement. OK. Ce qui est vraiment la nouveauté, cependant, du Equinox, c'est ce que tout le monde regarde, c'est le moteur. Il y a trois moteurs qui sont disponibles, trois moteurs turbo. D'ailleurs, on faisait la remarque, GM est le seul manufacturier dont tous les véhicules 5 passagers n'ont que des moteurs turbo. Ouais. Ils n'ont plus de moteurs réguliers standards sur leur VUS 5 passagers. Ford s'en va vers là tranquillement aussi avec l'EcoBoost, mais GM serait le premier. GM est déjà rendu. Ouais, c'est bon. Alors, moi, celui qu'on a essayé, c'est le 1.5 turbo avec une boîte de vitesse 6 vitesses automatique, 170 chevaux. Capable de remorquer 1 500 livres, quand même, ça c'est intéressant. Disponible en version traction ou traction intégrale. La beauté cette année de la traction intégrale sur toutes les versions, c'est qu'on peut la désactiver. En fait, non, on peut l'activer, je devrais dire, parce que d'office, il arrive en traction et tu as un bouton au centre qui te permet d'activer la traction intégrale. Donc, du point de vue de l'économie de carburant, ça peut sembler insignifiant, mais ça finit par avoir une certaine importance parce que, évidemment, on est capable de mieux gérer, si tu veux, la puissance aux roues et de mieux gérer la friction. Donc, ça diminue considérablement. On parle d'une moyenne combinée de consommation de 8,3 si tu achètes la version traction et de 8,9 si tu achètes la version traction intégrale. Et honnêtement, pour l'avoir vérifié, on a même fait mieux que ça dans la région de Niagara. Il y aura un deuxième moteur 2 litres turbo qui, lui, est beaucoup plus puissant. On parle de 252 chevaux. Lui, il arrive avec une 9 vitesses comme transmission. Capacité de remorquage de 3 500 livres. Dans les faits, c'est que GM ne veut plus faire de V6. Donc, en ne faisant plus de V6, ben, ils ont opté pour un modèle beaucoup plus puissant. Et c'est le cas là, donc de ce véhicule-là, qui est, on ne l'a pas essayé encore, qui va arriver un peu plus tard. On verra ce que ça donne. Même chose au niveau d'un autre moteur, et ça risque d'être fort intéressant, c'est le 4 cylindres 1,6 litres diesel. Un diesel particulier parce qu'on parle de 136 chevaux, mais 236 livres-pieds de couple, capable de remorquer 1 500 livres, la même chose que l'autre. Alors, c'est en tout cas, on verra ce que ça va donner. On parle d'une consommation là, entre 6,9 et 7,4 selon que vous le preniez en traction ou en traction intégrale. Évidemment, pour arriver là, on a allégé tout ça. On dit qu'on a enlevé à peu près 400 livres à la totalité du véhicule. On a mis bien sûr toutes les technologies auxquelles GM nous a habitués, là. Bon, la caméra de recul, leur fameux Teen Driver, là, leur système qui permet, quand le jeune utilise la clé réservée à cet effet-là, mais là, tu as des rapports, la vitesse est limitée, si elle ne tâche pas sa ceinture, le son de la radio ne peut pas monter, bon, un paquet de facteurs comme ça. Il y a le fameux rappel de siège arrière. Donc, si tu as mis quelque chose, si tu as ouvert la portière en arrière 10 minutes avant le départ, ben, quand tu vas arriver et là, la voiture va te sonner 5 coups pour dire, hey, tu avais mis quelque chose en arrière, n'oublie pas de le sortir. L'idée, c'est qu'on veut évidemment s'assurer que On n'oublie pas tu n'oublies d'enfant pas, en arrière. c'est ça, tu n'oublies pas tes enfants, tu n'oublies rien là, Ou ton si tu ordinateur portable, puis te le faire voler, tu sais, c'est ça. encore ou n'importe quoi d'autre. Dans notre cas, nous, c'est des caméras parce que je suis avec une équipe de télé. Ce qu'il n'y a pas comme système de sécurité, parce que tu as tout, tu as l'aide au changement de voie, tu as le détecteur d'angle mort, tu as les feux avant qui sont automatiques, les feux de route automatique qui sont disponibles en option et tout. Ce que tu n'as pas, c'est le régulateur de vitesse intelligent. Ce Le qui régulateur de vitesse adaptatif qui te permet de calculer la distance là, sur le véhicule en avant. J'ai posé la question. La réponse de GM a été on ne sait pas. OK, c'est bizarre Alors, parce que moi, tant qu'à t'sais, avoir une technologie, ça serait même pas le détecteur de changement de voie, je prendrais, ça serait le contrôle de vitesse adaptatif. C'est ben moi aussi. tellement le fun dans la circulation ou même sur l'autoroute. C'est Alors, merveilleux. je ne comprends pas. Et comme ils ont déjà tous les capteurs pour tous les autres systèmes, je ne comp et ils l'offrent dans d'autres versions, dans d'autres modèles, Non, oui. mais il n'est pas là. Alors, et personne n'est capable de me répondre pourquoi. Je trouvais ça très drôle. Autre élément qui me fait bien rire, bon, on mise beaucoup, beaucoup sur toute la technologie du film. Tu sais, le fameux OnStar, le Wi-Fi, hotspot qu'il faut que tu payes à longue, là, mais bon. On a même un chargeur par induction. Tu sais, tout est vraiment comme ça. Mais si tu veux utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, il faut que tu te branches avec un fil. Ouais, mais ça, c'est une limitation dans certains modèles. Je sais que Apple CarPlay peut être utilisé sans fil, mais je pense qu'Android Auto, c'est encore filaire, peu Non, importe il ce y a que tu des endroits choisis. où tu peux l'avoir Bluetooth. Tu peux maintenant, je sais qu'avant, c'était tout filaire. Ça a Ouais. changé un peu dans les nouvelles versions. Mais là, écoute, on Mais parle de la nouvelle version, là. On s'entend, c'est le tout nouveau 2018. Je pense que GM, qui se fait un devoir d'être à la fine pointe de la technologie, aurait dû avoir ce genre de truc-là. Mais bon, ça, c'est mon opinion à moi. Et encore une fois, quand j'ai posé la question à la responsable, Valérie Rivet, qu'on a déjà eu en entrevue ici, d'ailleurs, tu te rappelles, la pauvre Valérie m'a regardé, là, de dire j'ai aucune idée de quoi tu parles. On n'en a pas, puis il n'y en est pas question. Alors, j'ai pas voulu être bête et j'ai tout simplement arrêté de parler. Donc, quand même intéressant, des éléments qu'il faut vérifier, ben, c'est le prix, évidemment. C'est un véhicule qui s'adresse, on le sait, à une clientèle qui est très concentrée dans un créneau excessivement populaire. T'sais, le CX-5, l'Escape, le Tucson, le Sportage, c'est vraiment cette catégorie-là que le Equinox vise. On part dans la version LS, qui est la version de base, à 25 195, et on va aller jusqu'à 31 795. Évidemment, pour ajouter 1 700 $ à ça, là, au Québec, normalement, on devrait déjà l'afficher. Donc, c'est 33 400 $, si tu veux, pour la première, et 26 800 pour le LS de base. Entre les deux, il y a le LT qui devrait être le plus populaire, qui est à 29 800 à peu près. Donc, c'est les trois versions qui sont disponibles. C'est déjà en concession, c'est déjà arrivé chez les concessionnaires, mais pour le diesel et le 2 litres turbo, il va falloir être un peu patient. Super. Donc, merci Marc. On va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, ils vont sur marcbouchard.ca. Je pense que c'est le meilleur endroit, bien que depuis quelques jours, j'ai été un peu moins actif. Mais marcbouchard.ca, vous avez là toutes les coordonnées pour me rejoindre à la fois sur mon Facebook, à la fois sur Twitter, sur Instagram. Si vous désirez passer directement par Twitter, c'est Marc souligné Bouchard. Et bien sûr, Marc Bouchard sur Facebook. Et notre adresse au courriel commune que l'on reçoit tous les deux, c'est info@saroulradio.com. Luc et moi, on reçoit les courriels. Quant à toi, Luc, c'est encore plus facile de t'en joindre. Ben, sur Twitter, Ascalazormo. Il y a aussi bon, nos pages Facebook et Twitter, Ça roule radio, que je gère le compte Twitter, mais la page Facebook, tout le monde, les deux peuvent écrire dessus. Puis ça fait pas mal le tour. Vous pouvez nous écouter sur Radio H2O, sur Radio Highway et sur aussi sportradio.ca. Puis vous pouvez nous télécharger soit directement sur le site en MP3 sur votre ordinateur ou sinon à travers vos téléphones Android. Bien, sur Google Play et à travers vos téléphones ou tablettes Apple sur iTunes. Donc, ça fait pas mal le tour. Merci encore une fois, Marc, d'avoir fait cette émission avec moi. Hein, on était deux cette semaine. Et Mais puis, oui. on se reparle bien, la semaine prochaine. On devrait être deux encore, si tout va bien. Et bien, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye tout le monde.